sur le bord de la mer. D'un seul coup, je vois un gros crocodile, une sanglier qui se rapproche, il ouvre sa grande gueule, et j'ai voulu tirer sur le sanglier en train de se promener main dans la main. J'ai faim, je vais manger la bonne viande fraîche. Mais malheureusement, il y a un seul qui s'approche de moi. Qu'est-ce que je vois? Il me restait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Et là, j'ai tout perdu. Qui surgit, voilà, le crocodile, qui se fait manger en même temps que nous. Toutes les bêtes se font dévorer par le crocodile et le lion. C'est que Sandy s'est fait attraper, malheureusement, et on se fait manger directement, malheureusement. Il se rapproche, plus ça va, plus il se rapproche. Il continue de venir, et d'un seul coup, tu vois le crocodile, derrière nous. Sandy ne sait plus quoi faire. Elle est perturbée. Elle ne sait plus quoi répondre. Voilà. Terminé.